le rouge-gorge. Dans les rigueurs de l'hiver, un rouge-gorge vint frapper à la fenêtre d'un bon paysan, comme pour lui demander la permission d'entrer. Le paysan ouvrit la fenêtre et reçut amicalement dans sa demeure la confiante petite bête. Alors le rouge-gorge se mit à becqueter les miettes de pain qui tombaient de la table, et les enfants du paysan se réjouissaient de le voir. Mais lorsque le printemps apparut dans la contrée et que les arbrisseaux se couvrirent de feuilles, le paysan ouvrit sa fenêtre et son petit hôte s'envola dans la forêt voisine et chanta sa joyeuse chanson. Puis voilà qu'au retour de l'hiver, le rouge-gorge revient au foyer du paysan, amenant avec lui sa petite compagne. Et le paysan et ses enfants se plaisaient à voir comme les oiseaux les regardaient avec confiance. « Ah ! » dit l'un des enfants, « il nous regarde comme s'il voulait nous dire quelque chose. »« Oui, » répliqua le père, « et s'il pouvait parler, il vous dirait « la confiance éveille la confiance et l'affection produit l'affection. »